J'aime le bruit que ça fait quand ils ferment leur gueule. Le bruit que ça fait quand ils ferment leur gueule. Si je suis noir de peau, c'est que je porte leur deuil. Si je suis noir de peau, c'est que je porte leur deuil. Monsieur, fierté et orgueil. Monsieur, fierté et orgueil. Monsieur, jusqu'à ce la mort me tue. Monsieur, jusqu'à ce la mort me tue. Comme des fauves, c'est comme ça qu'on a tigrant. Qu'on a tigrant. Parmi les honnêtes pauvres et les millionnaires brigands. Millionnaires brigands. Entre la droiture à piéter, les grosses voitures, la vie tout pété. Je ne rappe plus le charbon, le quartier, c'est comme si vous étiez. C'est bien plus que de la zig, mais je commets des meurtres. C'est bien plus que de la zig, mais je commets des meurtres. Soit ça, soit E19, direction Meura. Direction Meura. Risquer des années de carpins pour quelques vulgaires centaines de meurtres. Centaines de meurtres. Bref, fin, moyen, un classique, rien de bien veux gras. Moyen, un classique, rien de bien veux gras. 45, c'est de là que je viens, tu me connais. 45, c'est de là que je viens, tu me connais. Plus, c'est M, si me disent mort, plus je connais. Plus, c'est M, si me disent mort, plus je connais. Même pas sorti que truc et j'ai frémi. Même pas sorti que truc et j'ai frémi. Que leur gode les blesse et que Dieu les bénisse. Que leur gode les blesse et que Dieu les bénisse. Qui s'apprête à les enrhumer? Qui s'apprête à les enrhumer? Qui fait feu sur ces enculés? Qui fait feu sur ces enculés? Qui vient chercher l'argent où il est? Qui vient chercher l'argent où il est? Enfoirés, les meurs sont bien huilés. Enfoirés, les meurs sont bien huilés. Qui s'apprête à les enrhumer? Qui s'apprête à les enrhumer? Qui fait feu sur ces enculés? Qui fait feu sur ces enculés? Qui vient chercher l'argent où il est? Enterre vivant comme dans Burry. Enterre vivant comme dans Burry. Avant les surdits vont gratter dans les cerises. Avant les surdits vont gratter dans les cerises. J'attends que mes négros se regroupent en lobby. J'attends que mes négros se regroupent en lobby. Pour dunker sur tous ces fils de pute en Kobe. Pour dunker sur tous ces fils de pute en Kobe. Force le respect avant de manger la paix. Force le respect avant de manger la paix. Bosse pour les tiens, tu t'ouvriras après. Bosse pour les tiens, tu t'ouvriras après. J'divertis peuple, mais je veux pas les rendre teubés. J'divertis peuple, mais je veux pas les rendre teubés. Prise de conscience, prise en main, retour au deublé. Honneur. Comprenez, messieurs, les jurés, votre honneur. C'est après pour les sommes quasi obsessionnelles. C'est après pour les sommes quasi obsessionnelles. Celui qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Celui qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Ne devait pas connaître les bons concessionnaires. Ne devait pas connaître les bons concessionnaires. 45, c'est de l'âge, viens, tu me connais. 45, c'est de l'âge, viens, tu me connais. Plus c'est M, si me disent mort, plus je renais. Plus c'est M, si me disent mort, plus je renais. Même pas fini de les baiser, déjà il fait plus. Même pas fini de les baiser, déjà il fait plus. Que leur gode les blesse et que Dieu les bénisse. Que leur gode les blesse et que Dieu les bénisse. Qui s'apprête à les enrhumer? Qui s'apprête à les enrhumer? Qui fait feu sur ces enculés? Qui fait feu sur ces enculés? Qui vient chercher l'argent où il est? Qui vient chercher l'argent où il est? Enfoirés, les meurs sont bien huilés. Enfoirés, les meurs sont bien huilés. Qui s'apprête à les enrhumer? Qui s'apprête à les enrhumer? Qui fait feu sur ces enculés?